J'ai mal au cœur quand je vois qu'un enfant crève. Le soir je ne dors plus, le marchand de sable est en grève. Mes brèves sont encore toujours les mêmes corps qu'on l'écrase. Les corps sont palestines, rêve de devenir kamikaze. Hélas, bienvenue dans ce monde, je t'en prie entre. J'utilise mon sang comme un puna plus d'encre. Le ventre noué, la fin est si longue et silente. Le ciel déserté, vidé de ses étoiles filantes. Affolante, l'humanité est tombée si bas. Racisme, conflit, ethnique, virus du sida ici bas. Le bif qui riche passe de main en main. Où je connais de l'homme et plus je l'aime de moins en moins. Et moi, dans ce monde, c'est Dieu qui m'y a mis. À Paris, loin des ambiances festives de Miami. La famille demeure mes points de repère. Maintenant que j'y suis, j'y reste, rien à foutre de plaire. J'ai mal au cœur. Remplacer les chants de gospel. Dis-moi pourquoi ta France nous inflige de grosses peines. La coupe est pleine mais ça avance lentement. Même à l'école, petit frère, tu verras. Honteusement, honteusement, leurs milices impunément assassinent. Plus en plus de bavures, donc fuck ces assassins. Je saigne du porc dans l'assiette. Ils nous jettent dans la scène. La France me renie car ma foi n'est pas la sienne. Ces chiennes dégradent l'image de la femme. Donne du respect afin de raviver la flamme. Les flammes, peu y croient, mais beaucoup y goûteront. Chacun traîne sa croix sur ce putain. Mais coûteront juste les roses ceux qui le peuvent. Dehors le soleil brille, le chétan chante pour qu'il pleuve. Épreuve sur épreuve, la arme en son abreuve. Chaque acte a ses conséquences, j'en suis la preuve. J'ai mal au cœur. Même Gandhi est calibré. La guerre est un menu où la paix n'est pas livrée. Les vrais délivrés, mais je vois les petits zonés. Dans la rue ça recrute, BEP prisonnier. Je croyais quoi? Désolé, ici c'est réel, atterri. Les mères éduquent les gosses, les darons squattent la dérive. Mes rimes sont terribles, dis-moi comment rester pisse. Des choses c'est pleines de merde, l'ascenseur puis la piste. Je plisse le regard comme toi manipulé. Sur le contrat la vérité n'est pas stipulée. Brûler ces PDG qui exploitent depuis des plombes. C'est des membres du Stipis qui ont fabriqué des pompes. Des bombes explosent, c'est l'excès de folie. L'amour se fait rare comme les moments d'euphorie. Trop de faux rires, on ne faut aucune distinction. Ce que je vois, c'est la race humaine en fin d'extinction. C'est Ricta, 1-7, 1-7, 1-7.